porte une fugade aux bretonnes, rend un peu plus accorde l'humeur de la patronne qui t'embrasse selon la longueur de la note que tu laisseras au fond du tiroir à bouillon. Au bar des cloporteurs, j'y ai vu des soutanes venir frapper aux portes d'un paradis profane. Des gens un peu connus, que ça arrange bien de voir sans être vu, loin de leur marocain. Et au bar des cloportes, au bar des cloportes, au bar des cloportes, venez vous y échouer. Débarque, y a toujours deux trois potes pour tenir la baraque. Le temps que l'on efface, on glisse sous les marquises, les ersatz et les traces de la soirée esquisse. Au bar des cloportes, c'est là où on dansait les éclopés de toutes sortes, les cœurs déchirés et leurs amours mortes pour se consoler. Au bar des cloportes. S'élève de la foule. À l'instant où la flèche de Notre-Dame s'écroule, un bruissement de tristesse, un bruissement de dépit, une colère étouffée pour ce drame que l'on vit. Parti en fumée, les mots et les lettres d'Hugo. De Quasimodo, est-ce bien réel? J'ai du mal à y croire. Ce sont bien là des flammes, de la braise dans le noir, en larmes fleurs de lys, Esmeralda et Frollo. Ces images dans des milliers de litres d'eau. De Notre-Dame s'écroule, un bruissement de tristesse, bruissement de dépit, une colère étouffée pour ce drame que l'on vit. On l'a retrouvé dans les décombres et les cendres, l'esprit de la cathédrale, terrassé mais vivant. Notre-Dame de Paris, le coq certes meurtri, mais il s'en est sorti, prisonnier de l'enfer du brasier. Mais pour ce coq si fier, attention, c'est le moment du jingle. Olé. Que le rock'n'roll soit avec vous. Et que ça tape dans la butte. Et que ça poutre à mort. Hors des mille frouls. Hors des mille frouls. Envoyez le pété. Ça débourre, mamie. Sur l'émission Mavrika, la première radio orléanaise qui vous diffuse du vrai live. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, le vendredi soir, vous en avez l'habitude depuis quelques temps, c'est l'émission Mavrika. Mavrika qui a fêté ses 10 ans il y a quelques jours, c'était le 4 janvier. Et l'émission Mavrika, c'est une émission dans laquelle on reçoit des artistes qui viennent de la région ou de plus loin, hein, ceux qui veulent venir, certains sont venus de Belgique. Je parle pour ceux qui sont à l'étranger, certains sont venus de Bretagne, certains sont venus du sud de la France, du nord. Voilà, donc si vous avez un groupe, si vous n'êtes pas encore passé dans l'émission Mavrika, parce que déjà il y a eu énormément de personnes qui sont venues dans les studios de Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel à Fleury-les-Aubrais. Alors là, on a écouté un groupe justement qui était là. C'était un enregistrement qui a été fait pendant une émission de Mavrika. Il s'agit du groupe Fake Idea et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle So Height. Voilà, cette émission, une fois de plus, ce sera une émission où il n'y aura pas d'invité. Bon, on fait ça depuis le Covid, hein, parce que habituellement dans l'émission Mavrica, comme vous le savez, il y a toujours des invités et ils jouent souvent en direct live. Alors on a tous les enregistrements, on pourra vous en diffuser. Mais alors ce soir, on a encore plein de trucs à découvrir. On a commencé cette émission avec Mathis Poulain, Ce Monde Parfait. On a découvert un nouveau groupe, là, voilà, qui m'avait contacté. Je me suis dit, tiens, on va s'intéresser un petit peu à ce groupe. Il s'appelle Grandé. Et on a écouté un morceau qui s'appelle La Petite Sirène. Juste après, c'est une artiste qui était venue ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, une grande artiste de la région, elle s'appelle Anita Farmin. Et elle a sorti un album qui s'appelle Next. Et tiré de cet album, on a écouté un morceau qui s'appelle Jenny. Juste après, la semaine dernière, j'avais fait tout le programme. Hein. Le programme, vous pouvez le retrouver sur le Facebook de l'émission Mavrica. J'ai commencé déjà à le faire, hein, donc avec tous les noms que je vous dis là actuellement. Alors, la semaine dernière, on m'avait dit que ça manquait de vilaines choses. Et les vilaines choses, justement, on les a passées avec un morceau qui s'appelle « Au bar des cloportes ». Vous pouvez aller sur le site. Hein. Moi, je le lis au même temps, hein, parce que je me souviens pas de toute tête. Ensuite, on a aussi écouté un groupe. C'est la première fois qu'on le diffuse ici sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrica. C'est le groupe Mona Lisa. Alors c'est un groupe qui existe depuis très longtemps sur la région orléanaise. Et là on a écouté un morceau qui s'appelle Au nom Notre-Dame de Paris. Donc c'est suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, bien évidemment. Et donc à l'instant c'était Fake Idea avec So Height, un enregistrement fait dans l'émission Mavrica. Et Mavrica ce soir on va continuer avec plein de musique. N'hésitez pas à nous demander des titres, hein. Si on les a pas là, on les passera la prochaine fois, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi j'ai essayé d'avoir le maximum de titres que vous m'avez demandé la semaine dernière. C'est vous qui faites la programmation, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica.

I'm vendredi soir, c'est l'émission Mavrika et on écoute beaucoup de musique, hein, on parle de moins en moins. Et par contre, de temps en temps, quand même, je vais interrompre un petit peu la musique pour présenter les titres, même si on voyage avec beaucoup de musiques différentes, hein, toutes des musiques que l'on aime. Alors, depuis tout à l'heure, on avait écouté donc le dernier titre, c'était Fake ID avec So Height, un live qui avait été enregistré pendant une émission Mavrika. Et ensuite, on a continué avec un groupe qu'on avait déjà diffusé la semaine dernière avec un vieux morceau. Là, on en a mis un petit peu plus récent. Il s'agit de Last Avenue. Et d'ailleurs, il est tellement récent qu'il vient carrément du futur. Il s'appelle Spying from the Future. Juste après, c'est une exclusivité hein, sur Radio Arc-en-Ciel. Munston, il est déjà venu deux fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On aime bien diffuser Island Spirit, voilà, je confonds un petit peu les deux titres. Island Spirit, c'est le titre qu'on passe le plus souvent, même si effectivement il a des chansons super bien. Et puis là, on va découvrir donc une nouvelle chanson qui s'appelle Burning Star. Et voilà, j'espère que vous a plu, qu'on pourra la rediffuser une prochaine fois. En tout cas, Burning Star, c'était Manstan. Juste après un morceau que vous connaissez déjà, on le passe assez régulièrement, il s'agit de Bad Day, et c'est le groupe Custom qui aurait dû participer au Mavrika Live numéro 12 le 5 mai 2020, mais avec ce qui est arrivé, effectivement, vous savez, tous les concerts sont annulés, et petit à petit ça va reprendre, hein. Donc on espère qu'on sera prêt pour le 21 novembre, pour le prochain Mavrika Live, toujours numéro 12, hein, puisque du coup on l'a pas fait, et puis bon, il y a des petits concerts qui commencent à se faire, donc d'ici là, on va essayer de garder les mêmes et de remettre la même affiche, hein, tout simplement, puisque ça avait été annulé. Et si vraiment il y a des petites différences, ben on remettra ça à jour. En tout cas, nous, on continue à suivre les artistes. Et puis surtout, le groupe Custom, qu'on n'a pas encore rencontré, donc on aimerait bien les avoir en face de nous. Juste après, c'était le groupe Dissident avec Devil Slide. Voilà, et à l'instant, nous avons écouté Night Owl, donc une découverte. Hein, depuis qu'on commence à faire les émissions un peu spéciales où il n'y a pas d'invité, où il n'y a que de la musique pratiquement, à part moi qui interromps un petit peu de temps en temps cette musique, et ben justement, on avait découvert ce morceau-là, parce que on avait demandé aux gens de nous envoyer justement des morceaux, si vous voulez participer justement à l'émission Mavrika. C'était comme ça qu'on a connu Night Owl et on a passé le morceau I Don't Care. Juste après, je vous propose de continuer en musique, hein. On est ensemble jusqu'à 22h30. Alors il y aura le groupe PLS, il y aura le groupe Carly Coca. Je me tourne vers l'autre ordinateur parce qu'il y en a de partout, hein. Effectivement, il y aura aussi Skawax, justement un des groupes qu'on a eu la chance de rencontrer. Je les ai vus deux fois en concert. Ça envoie du bois. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Et là, justement, il y avait un des membres qui nous avait demandé un morceau de Skawax. Alors là, j'en ai choisi un qui était sur Internet, tout simplement, puisque eux, ils étaient confinés, mais ils ont continué à faire des enregistrements. Donc, je propose qu'on écoute un morceau qui s'appelle Réseaux sociaux. Il y aura aussi Nogus. Il y aura aussi La Mécanique des Sourds, Apolline, il y aura Adrenaline Motors, il y aura Johnson Concorde, restez avec nous, il y aura aussi Mourad. Je vois qu'il était en concert justement avec Mathis Poulain ce soir. On a écouté Mathis Poulain en début d'émission, on écoutera tout à l'heure Mourad avec un morceau qui c'est pas du dernier album mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nuancier. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on continue en musique. De sécurité bad music bad. Et maman, pourquoi tu vas aller là avec tous ces gens? Certainement tu penses à bien à me mettre dans le rang, dit maman. Ça te fait marrer quand il m'arrache les dents, si seulement. Car tu vois, je ne fais que te fuir et suivre tes pas. Dis papa, ça me fait marrer quand il m'arrache les bras. Si seulement ça m'empêchait de foncer dans le tas. Mais maintenant je fais le mort. Et maintenant je fais le mort. I don't know how to recite my prayer. I don't know how to cerveau. Vocifère en les pierres, j'insulte sa pote bâtard, fils de. On était que je les dents chaud, la tête de temps, je respire mieux lorsque j'étouffe. Je monte de ouf. Et maintenant je fais le mort. Et maintenant je fais le mort. Et la vie pour moi, tu m'as souri d'un air. J'y ai cru, je m'y voyais déjà mieux. J'ai vite compris que pour réussir à se protéger, j'étais taré. Fallait dire que c'est dernier pour devenir leur chef désigné. J'ai regardé à tout prier pour leur sang-froid, ce qu'ils appellent Dieu. Se dédouanant de leur lâcheté, ils en deviennent tous malheureux. Et maintenant je fais le mort. Et maintenant je fais le mort. pourrais aussi me planquer, être tout vert de la tête aux pieds. Ou alors plus dans le bleu, dans un rond-point, je vais du sifflet. Mais j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas trop les condés. Mais j'arrive pas à savoir où est mon bonheur. Je n'arrive pas à dicter mon avenir par cœur. Et j'aime pas ça, je préfère devenir chômeur. L'avenir, mais ta vie on la meurt. De vos chemins, mon ami en est pas dicté par vos jugements. Pour vérité, je ne bois pas, mais très bien constitué. Je ne vais pas voter pour leurs mensonges ni pour personne. Bonheur des citoyens, ils nous fait crever comme des chiens, mais peuvent-ils seulement nous écouter? Je ne lève pas non plus le poids, j'ai pas l'humeur des magots. Je reste dans mon coin, je reste bien dans le troupeau, je me dégoûte. Je suis un crétin, mais j'arrive pas à croire à tout leur racontard. Je n'arrive pas à voir leur sincérité quand ils vont tous la vie tranquillement travailler la machine. Mais j'arrive pas à croire à tout leur racontard. Je n'arrive pas à voir leur sincérité quand ils vont tous la vie tranquillement travailler la machine. Mais t'as du labeur. Et ça, moi, j'en parle sans gêne. C'est que les réseaux sociaux nous rendent un poil schizophrène. En vrai, tu ne peux pas blairer cette vie qui ne fait que montrer ses vacances à l'autre bout du monde et qui l'affiche chaque seconde. Tu aimes chacune de ses passions pour les cupcakes et la broderie de ta meilleure amie canon dont la vie est une anarchie. À la rigueur, ouvre les yeux, éteins ton tel et ton ordi. Tu verras, tu te sentiras mieux et tu connaîtras la vraie vie. N'est pas la vacuité totale ou la gloire au capitalisme ou bien le néant cérébral. À la rigueur, ouvre les yeux, éteins ton tel et ton ordi. Tu verras, tu te sentiras mieux et tu connaîtras la vraie vie. Ne croyez pas que je sois un de ceux qui vivent dans le passé. Je suis même plutôt équipé et gros addict au quotidien. Mais demandez qu'est-ce que tu prends avec quelqu'un en tête à tête et finir sa phrase dans le vent. Et bah c'est con mais ça m'inquiète. Mais ça m'inquiète. This feeling I got is like a tragedy, tragedy. After all I've been through, it's so hard to explain, so hard to explain. It's like I'm stuck in a body, but it's not really mine, it's not really mine. I try to escape, but something holds me back. Something holds me back. This dark passenger, such a poison in my life. A poison in my life. I know that the cure is hidden deep inside me. Hidden deep inside me. On and on. On and on. Can you tell me what to do? Can you show me what's behind? On and on. On and on. Can you tell me what to do? Can you show me what's behind? I'm up. I need to stay focused. Stay focused. Regain self-confidence is the only way I know. The only way I know. My fear is the enemy. I need to stand it. Need to stand it. I ain't got no choice. I just gotta do it now. Got to do it now. This dark passenger, such a poison in my life. A poison in my life. I know that the cure is hidden deep inside me. I will take my love. trip. I wish I wasn't gone and I want to sleep. At the moment I quit my dreams and lies, a girl penetrates the place and shout, it was you, I was looking for your face everywhere. Together we can sing and fly through the air. Let me be on the road. Where is your home when you're alone? Got to get to get. I wanna get you out of here. Out of here. Out of here. About your dusty mind, we know who you are and we don't share venomous opinion. We know who you are and we compare a shotgun, we're not kind. insane. Occupation is your brain. How can this be false? Stanley said no, no, no. This girl is too big. This guy is too cute. He wish I can tell the lies, but let the light. Your stuff. I can never enough. You were the infect. English not perfect. Sorry for the run returns. Next time we come with the book. Rock is poetry. This is a fantasy. Je n'ai rien compris, mais puis de toute façon.

découvrons les saveurs, même pour quelques heures. Posé sur nuancier, autant s'aventurer aux teintes qu'elles vont porter. Juste à l'instant, c'était notre ami Mourad avec Nuancier, je vous l'avais présenté tout à l'heure. Je reviens un petit peu sur les titres, hein, parce que c'est quand même important de parler des artistes de la région, des artistes que vous pouvez rencontrer, hein, si vous êtes dans la région orléanaise, ou si vous venez en vacances, hein, pourquoi pas. Aujourd'hui, vous pouvez venir en vacances sur la région orléanaise, ne pas connaître les groupes, et justement, s'il y a des concerts ou des choses comme ça, j'espère que ça va se développer de plus en plus. En tout cas, Lille était en concert ce soir avec Mathis Poulain. Donc nous avions Mourad avec Nuancier. Juste avant, c'était la mécanique des sourds, un groupe que j'ai eu la chance de voir deux fois en concert, donc avec un titre qui s'appelle La littérature. Johnson Concorde, qu'on avait interviewé il y a quelques temps déjà, hein. On n'a pas encore eu l'occasion de les recevoir dans l'émission Mavrika, mais on les avait vus, ils étaient passés au Delirium en concert et on avait eu une petite entrevue avec eux. Et on avait pu aussi découvrir ce groupe. Alors là, c'est un groupe formidable. Il faut vraiment aller le voir en concert parce que ils sont habillés, ils sont maquillés. C'est vraiment une mise en scène très spéciale. Et c'est un groupe vraiment qui mérite le succès qu'il connaît. Juste avant, c'était Adrenaline Motors avec Adrenaline Motors. Voilà, on a choisi le titre phare. On a écouté aussi Apolline avec Puck, Nuggets avec One on One, Skawax avec Réseaux Sociaux. Et voilà, donc juste après, il y a encore de la musique. On est ensemble jusqu'à 22h30. L'émission, elle commence plus à 20h30, elle commence à 19h30. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent maintenant. Ils sont encore à l'ancienne heure. Mais bon, ça fait déjà une petite heure qu'on écoute. Hein, mais on a encore beaucoup de morceaux à vous faire écouter. D'ailleurs, on va continuer juste après avec Jack F, un titre que j'aime beaucoup et je sais que Jack l'apprécie beaucoup aussi. Alors Jack, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis pas mal de temps, il est le chanteur des Stingers et depuis quelques temps, il nous en avait déjà parlé plusieurs reprises, qu'il devait faire un projet solo qu'il appelait Jack F, Jack Février. Jack F, et il a déjà participé aussi bien avec Stinger qu'avec Jack F à des Mavrika Live. Et il est venu plusieurs fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le titre que nous allons écouter s'appelle « Besoin de toi ». Juste après, un groupe aussi qui est passé il y a quelques temps. Ils viennent de Bourgogne, ils s'appellent les Burgandises. On va écouter la haine. Le groupe Zbla aussi qui est passé chez nous il n'y a pas très longtemps aussi avec « Lone Shaker », un morceau que vous écoutez assez régulièrement dans l'émission Mavrika et qu'on aime beaucoup. Il y aura bien sûr Orpheum Black avec « Silent ». Et juste après, 4TS Run. Vous êtes avec moi, hein, Albino, hein, l'émission Mavrika tous les vendredis soirs. En ce moment, je suis tout seul, mais je vous diffuse pas mal de musique. Et puis, si vous avez envie de mettre un petit message sur Internet, sur la page Facebook, je la consulte en même temps. Et je mets à jour aussi le programme de ce soir. J'espère que ça vous plaît. Et s'il y a des groupes que vous avez envie d'écouter dans une prochaine émission de Mavrika, à moins qu'on l'ait là sur place, on vous le passera. Mais sinon, on préparera ça pour la prochaine. C'est vous aussi qui faites le programme sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et radio-arc-en-ciel.fr. En quittant la boutique. hier, j'ai piqué dans la caisse. Le soleil est déjà haut et je roule vers toi. J'écoute à la radio un vieux blues qui dit comme ça. l'hexagone dans le cœur des Alessines. Ce soir je suis en veine, je m'en vais à un concert. Les aigles de la mort ont déployé leurs serres. Avant les bals musettes, maintenant des balades, des concerts. Du sang et des cadavres, je me demande à quoi ça sert. De Paris à Damas, de Paris à Damas, les explosent sous le son des missiles. Au cœur de l'hexagone, dans le cœur des je m'enfuis dans vos veines, je suis la haine. Petit à petit, voilà mon règne, je suis la haine. Je vous attrape et je vous saigne, je suis la haine. Aux armes, citoyens, oubliez que vous êtes humains, tuez-vous comme des chiens. Je suis la haine. Dans le cœur de l'hexagone, dans le cœur des imbéciles, j'explose sous le son des missiles, au cœur de l'hexagone, dans shaker. I'm shaker, shaker, shaker. I'm shaker, shaker, shaker. I'm shaker. And water in my lungs. My body does a in the floor. I fall asleep like a thrower. I see the sky fall. I see the second sea. And nobody to help me. A long shaker. Long shaker, shaker, shaker. Long shaker, shaker, shaker. Long shaker. Through the dark, across the trail, rain starts to show the way. The valley and the moonlight. Silence is raging. Seems so far away. The winds of heaven whistles around. Going in the fold of my mind. Another day will be again. Silence is raging. Seems so far away. Seems so far. Staring at the sky. silence is raging. Seems so far away. Seems so far away. Who's gonna pick you up?

when you ask me, baby, well, didn't you think I could? Well, I'm the old and the boogie, I know it's on the side, but the shingle is in tonight. Trésor de loup.

À l'instant, la voix des Iron Troopers avec Speed of Life. Voilà, c'est le groupe de la région hein, qui reprend Iron Maiden, donc le cover de Iron Maiden. Ouais. Je suis en train de lire en même temps, donc j'ai en train d'essayer de retrouver un petit peu tous les trucs. Donc Iron Troopers. Juste avant, bah, la musique un petit peu reggae. Hein, c'est un monsieur qu'on aime beaucoup, hein, un des meilleurs reggae man, on va dire ça comme ça, de la région et même de France, hein, je dirais même. Il s'agit de Max Livio, qui était accompagné de Boubou's All Star et qui reprenait une chanson d'Alain Bachung qui s'appelle L'ennemi je mens. Encore avant, c'était, je crois, la première fois qu'on diffuse un morceau de ce groupe. Il s'agit de Big Yaz Explosion. Donc, si vous aimez les cuivres, si vous aimez la musique soul, si vous aimez la musique qui envoie du lourd, Big Yaz Explosion avec un morceau qui s'appelle Shake You Tell Father. Bon, j'espère que j'ai été assez à l'auteur en anglais. Hein. Encore avant, c'était La Verticale, donc ça c'est beaucoup plus simple pour moi, avec un groupe qu'on aime beaucoup, qu'on continue de suivre, qu'on a reçu déjà dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à plusieurs reprises, et ils ont participé aussi à Marie Calave. D'ailleurs, on aimerait bien les revoir assez rapidement. Il s'agit du groupe Arcadia. Et on a commencé cette série musicale avec The Cars avec Drive. Voilà, c'était une chanson des années 80 qui nous avait été demandée par monsieur Alain Tessier, voilà, la semaine dernière. Donc on passe beaucoup de groupes de la région, mais pas que. Hein, la preuve, hein, The Cars, qu'on n'a jamais reçu dans l'émission Marika, je pense pas qu'on les reçoive un jour. En tout cas, le titre Drive pour faire plaisir à Alain Tessier. Voilà, bon, on va faire un petit coucou aussi à tous les gens qui nous ont envoyé des petits messages. Alors je les ai pas tous, mais bon, je pense évidemment à Irène qui m'a appelé tout à l'heure, avec laquelle on a discuté un petit peu. Florent aussi qui enregistre l'émission, qui fait les podcasts hein, tous les vendredis, c'est lui qui les fait. Hein. Donc un grand merci à Florent. Et puis après, tiens, je regardais sur les gens qui ont regardé un petit peu, qui ont partagé. Alors il y a Gino Joubert, il y a aussi Cymbal Drummers, il y a aussi Monsieur Alex, il y a Annabelle Da Silva, Valérie Nicole Hardwood et Thierry Imbert. Voilà des gens qui se sont intervenus sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas à y aller aussi. Vous avez tout le programme, hein, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent est marqué dessus. Donc tous les groupes, on en a écouté déjà un paquet. Hein, et du bon, hein, c'est de la bonne musique. Hein, il n'y a pas besoin d'aller vraiment très loin des fois pour avoir de la bonne musique. Hein, il y a des groupes autour de nous qui sont excellents. Juste après, ben on va continuer, hein, on va écouter un monsieur, un guitariste, un virtuose. Un virtuose de la guitare, je sais pas si vous le connaissez. Alors il est venu à plusieurs reprises dans l'émission Maverika, il a fait partie de l'équipe des affreux, hein, bien entendu, l'émission Maverika. Il s'appelle Joël Dubreuil. Et c'est vrai que quand il a une guitare entre les doigts, ben on a l'impression vraiment que c'est facile de jouer de la guitare. Mais écoutez un petit peu ce qu'il fait et puis vous verrez qu'effectivement il maîtrise très bien sa guitare pour gaucher. Voilà. Le titre s'appelle My Lovely Little Thing. Juste après, Pierrick Vivarès avec T'es Parti. J'aime bien ce morceau-là. Je l'ai passé la semaine dernière. Je crois que je vais le repasser aujourd'hui aussi pour me faire plaisir déjà à moi et à vous aussi, j'espère. Pierrick Vivarès qu'on a eu au téléphone, je l'ai jamais rencontré ce monsieur-là, mais ce qu'il fait est très bien et on avait discuté un petit peu et le gars a l'air super sympa. Et puis si tout revient à la normale dans les semaines qui viennent, c'est quelqu'un que j'aimerais bien recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale. Les Red Daff, aussi, hein, bah, ça c'est un groupe que je vois assez régulièrement, mais depuis le confinement, bah, on ne s'est plus vu. Mais bon, je suis sûr qu'ils continuent à bosser de leur côté. Le morceau que je vous proposais d'écouter s'appelle La Claque, hein, c'est un morceau qu'on aime beaucoup. Il y en a d'autres, hein, et ils sont tous bien leurs morceaux, de toute façon, il n'y a pas à dire. Et c'est aussi un bon groupe de scène. Autre groupe de scène qui a déjà joué dans les Mavericks Live, c'était dans le précédent, hein, donc Mavericks Live numéro 11. Il s'agit des Shaky Mets, un groupe qui vient de la région parisienne. Et le morceau que j'ai diffusé la semaine dernière a bien plu, et il a plu aussi à Francis, le chanteur, qui m'a envoyé un petit commentaire. Il a dit c'est très bon choix, donc le morceau c'est Back From Hell. Ensuite, un groupe aussi qui est venu dans l'émission Mavrika, qui n'existe plus, voilà, un groupe éphémère un peu, comme il y en a certains. Il s'appelle Vindicta, mais les membres font partie d'autres formations, donc ne vous inquiétez pas, ils continuent à faire de la musique. Vindicta avec un morceau qui s'appelle Aux Armes. Ensuite, il y aura Le Soupule, un groupe qui a déjà fait partie d'un Mavrika Live, un groupe qu'on aime beaucoup, hein. C'est vous qui l'aviez choisi, d'ailleurs, c'était le public qui avait choisi de recevoir Le Soupule par rapport à tous les gens qu'on avait proposé pour un Mavrika Live. On va écouter une chanson qu'on n'a pas l'habitude d'écouter tout le temps, mais bon, de temps en temps, il faut aussi chercher dans les phases B, il faut aussi chercher dans les albums, hein. Il y a des albums complets, c'est pas pour passer qu'un morceau. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle La Phrase qu'elle préfère. Et après, un autre groupe que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises, que j'adore, moi, personnellement, qui envoie du bois. Alors, ils font des morceaux à la Ramones, un peu, c'est du speed rock, hein. C'est-à-dire que les morceaux de 3 minutes et quelques, ils vous la jouent en 1 minute et quelques, hein. Il n'y a pas de souci. C'est les RNCs avec un morceau qui s'appelle Down Jones. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. On est encore ensemble pour pas mal de temps, hein. Encore presque une heure. Et on a encore plein de bonne musique à écouter, alors on va pas perdre de temps, on va y aller le plus rapidement possible. C'est parti, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika. We'll be right back. Mais t'étais pas du banquet. T'as fait tes bagages, j'étais parti. T'as trouvé le courage d'affronter la nuit. Décroche la lune, caresser tes insomnies. Mais gavé d'amertume, t'es parti retrouver l'ennui. T'avais beau tourner les pages, c'est le blanc qui revenait. T'avais beau chasser l'orage de ton sang qui bouillonnait. T'avais la tête en voyage. C'était la fête à l'étage. Mais t'étais pas du banquet. Seul face, hélas, à ton ennui. Quoi qu'il se passe quand vient la pluie, tu veux passer entre les gouttes en évitant coûte. Un abri. Ce serait dommage avant d'être vieux de découvrir que d'être heureux pourrait te simplifier la vie. T'aurais pu tourner les pages du néant qui revenait. T'aurais pu chasser l'orage et les nuits qui le berçaient. T'aurais la tête en voyage. Et le cœur qui la suivrait, ce serait la fête à l'étage. Mais là, t'es toujours pas du banquet. place, 'cause everything is now wine. Se bouscule à l'intérieur, j'ai même du froid, j'ai même du peur. Ma porte va être à 1000 à l'heure, il va exploser mon petit cœur. Cette fille, je la connais à peine, je vais quand même pas lui dire je t'aime. C'est vrai que j'étais pas malheureux, et depuis elle, je suis heureux. Tiens, pas plus tard que tout à l'heure, je me suis surpris achetant des fleurs. T'es même invité au resto, pas un McDo, un vrai resto. Je dois me rendre à l'évidence. Cette femme est sans pitié, elle ne me laisse aucune chance. Ce soir, l'amour est déclaré. La la la la la. Ce soir, elle m'emmène chez sa mère. Je suis un rebelle, je vais pas me coiffer. Elle a déjà pris rendez-vous dans une agence immobilière. Pour que l'on se trouve un chez nous et qu'on mélange nos petites affaires. Non, c'est pas elle qui fait la loi, c'est pas elle qui va commander. Je n'irai pas chez Ikea, ni au salon des jeunes mariés. C'est pas parce que je suis fou d'elle qu'elle a le droit d'en profiter. Déjà, je l'emmène au 7e ciel, je veux pas plus haut, c'est limité. Je dois me rendre à l'évidence. Cette femme est sans pitié, elle ne me laisse aucune chance. Ce soir, l'amour est déclaré. La la la. Elle est d'une beauté, elle a la peau au cou vanille, et je suis avec à ses baisers. Et je vous parle pas de ses trésors que j'écoute quand je vais planer au creux des courbes de son corps. Ça y est, je suis sûr, je suis envoûté. Je dois me rendre à l'évidence. Cette femme est sans pitié, elle ne me laisse aucune chance. Ce soir, l'amour est déclaré. La la. Sans partir à la dérive. J'aime pas l'alcool, je préfère sniffer de la colle. Les gens dans ma pauvre mère, que les We'll be right back. Voilà, donc les RNCs, effectivement, ils expédient vite fait leurs morceaux. En tout cas, c'est super bon. Don Jones, c'est le titre des RNCs qu'on vient d'écouter à l'instant. Juste avant, c'était le Soupule avec la phrase qu'elle préfère. Et la phrase qu'elle préfère, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Voilà, c'est la question qu'on se pose pour tous nos enfants. Mais bon, il faut leur faire confiance aussi. Encore avant, c'était Vindicta avec Aux Armes. Et encore avant, c'était L'Amour est déclaré de notre ami David McLean. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Il nous reste encore quelques titres à écouter. Il y aura Chris avec Teddy Joe. Il y aura aussi les No More Back avec Sois Fort, un enregistrement qui a été fait ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, pour tous les gens qui ont perdu quelqu'un. Voilà, ça rappelle des mauvais souvenirs pour certains. Et en tout cas, bon, c'est des moments... très douloureux de la vie qu'il ne faut pas ignorer. Et on terminera avec l'instant avec le groupe FMR. Voilà, cette émission numéro 449 se termine. Donc la semaine prochaine, ça sera simple, ça sera la 450e. Et à partir de 19h30, vous me retrouverez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel comme d'habitude. Alors je voulais quand même remercier tous les gens qui sont intervenus. Il y en a un petit paquet, j'espère que je ne vais pas en oublier. Si j'en oublie, n'hésitez pas à remettre des petits messages sur internet. Comme ça, je ne vous oublierai pas pour la prochaine fois. Là, je vois qu'il y a énormément de gens qui se réveillent, qui commencent à nous mettre des petits messages. Enfin bon, et il y a Didier, Fabien, David, Christian, Aurélie, Jim, Marie-Noël, Thierry, Claudie, Corinne, Mohamed, Sylvie, Irène, Florent, Eric. Voilà, ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent comme ça et des gens fidèles en plus, des gens que je connais de loin ou de près ou pas du tout. Voilà, ça nous fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. Irène qui nous fait un petit coucou avec le téléphone. Je sais qu'elle nous écoute à chaque fois. C'est l'auditrice la plus fidèle de l'émission Mavrika. Bon, il y en a d'autres, hein, mais elle a commencé un petit peu avant les autres. C'est pour ça que je dis ça comme ça. En tout cas, n'oubliez pas que le rock and roll soit avec vous. Everything is gonna be alright. Et puis, une vie sans musique, ça serait une erreur. Voilà, donc, on arrive à la fin de cette émission. Ça finit à 22h30. Si on dépasse un petit peu, parce qu'il y a un petit morceau qui n'est pas fini, c'est pas bien grave. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite, dès à présent, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne fête des pères, une bonne semaine et puis à vendredi à 19h30 sur Radio Arc-en-Ciel. En attendant, restez sur cette fréquence parce qu'il y a plein de choses très intéressantes, vous le savez déjà. En tout cas, nous on continue tout de suite avec avec quoi on veut continuer? Jim, ça dans quel ordre? Ah bah oui, Chris, Teddy Joe, c'est parti, Teddy Joe, Chris. Il reprendra le chemin, Teddy Joe. rien. Trad Rock. like trad rock. You like trad rock. You like trad rock. You like trad rock. Il y a peu longtemps, il y a peu, je ne sais plus l'instant. Je me souviens de tant de choses d'il y a bien longtemps. C'était bien, je ne sais plus l'instant. Mon frère et moi retrouvions mon père, chef de batterie à la ferme, pour battre les graines dans les champs. Nous chapardions quelques pommes de terre pour les griller. Avec mon père, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Il y a peu longtemps, il y a peu, je ne sais plus l'instant. Je me souviens de tant de choses d'il y a bien longtemps. C'était bien, je ne sais plus l'instant. Enfin, le soir, nous rentrions à la maison. Ma mère nous recevait froide et inquiète. Et plus tard, mon père rentrait à la maison. En guise de bienvenue. Peixe na esquerda, Ricardo Horta e também Galeno. Ora, como disseste, nem foi carne, nem foi peixe. A bola perdeu-se pela linha de cabeça. Foi uma espécie